en boîte de nuit qu'ont dévisagé la nuit. On avait peur, mais c'était bien. C'est pas facile d'avoir 18 ans le dimanche en boîte de nuit. C'est pas facile d'avoir 18 ans, on est encore un enfant en boîte de nuit. Une fille qui me regarde, ses yeux perçants. Mon cœur chavire, son rouge à lèvres rouge, rouge comme le sang. Et moi qui suis encore un enfant, c'est pas facile d'avoir 18 ans le dimanche en boîte de nuit. C'est pas facile d'avoir 18 ans, on est encore un enfant en boîte de nuit. Petit garçon.